compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. RTL vous souhaite une bonne année 2019. C'est le rendez-vous indispensable de ce début d'année. Christina, c'est Laetitia Nellet, Astro 2019. Bonjour mesdames. Hello Jérôme, hello bonjour Caroline. Bonjour Jérôme. Bonjour. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, très bonne année 2019. Vraiment. Ben oui, et on comme espère. Le veut la tradition, évidemment, nous sommes présentes. Et moi, je n'ai pas le droit de dire mes vœux. Allez-y Christine. Laissez parler bonne Christine. Bonne année à vous tous. Très bonne année. Oh, vous avez fêté la nouvelle année, vous. Pas du tout, je suis malade depuis 3 jours et heureusement qu'on n'a pas fait l'émission hier parce que j'avais une voix de corbeau. Là, ça va un peu mieux. C'est plutôt grenouille, mais bon. C'est quoi une voix de corbeau? Mais alors, attendez, vous faites je crois 4 heures d'émission tout au long de la journée Oui, ma voix va se chauffer. Ouais. On a tout prévu. Il y a du miel, du thé chaud. Ah, on va la bichonner. J'ai mon sirop, j'ai tout ce qu'il faut. Ça devrait aller jusqu'à 14h. Vous pouvez appeler le 3210 pour participer à l'émission. Wow. Bye bye. Bye. Allez, bon on vous écoute. Bye. Bye. Laetitia Nellet, Christine Haas, votre Astro 2019 sur RTL. Bonjour Christine. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Bonne année à tous les signes du zodiaque, hein, même si certains seront plus chanceux que d'autres. Bonne année à tous, nous vous souhaitons le meilleur pour 2019. Une belle rencontre si vous êtes seul, moins de tension si la famille vous tape sur les nerfs, plus de partage sur votre lieu de travail, beaucoup de fous rires, plein de câlins, de bonnes vibrations. Et pour les ondes, surtout ne changez rien, vous êtes sur RTL et nous avons tellement, tellement de choses à nous dire. Et nous allons avoir du temps pour parler avec vous jusqu'à 14h. Nous allons évoquer les prévisions des 12 signes du zodiaque pour l'année 2019. Alors, quel que soit votre signe, vous nous appelez au 3210. Et si vous êtes, un grand timide, si vous êtes, ou alors si vous êtes par exemple au boulot, hein, en ce premier jour de l'année, si vous travaillez dans un hôpital ou dans une boulangerie, par exemple, vous envoyez vos questions par SMS au 74 900 code Astro 75 centimes d'euros, en précisant bien sûr votre signe. Au standard pour vous répondre. Il y a du monde ce matin et puis il y a Cyranouche, notre assistante, qui a épluché tous vos mails et vos messages ces derniers jours. Des standardistes, on va les dire dans 2 minutes, on leur a fait la bise, mais c'est vrai que j'ai plus tous les prénoms en tête. Et à la réalisation ce matin, c'est Sébastien Dudouy. 2019, alors, oui, on n'a pas trouvé de rime. On n'a pas trouvé de rime, hein, à part neuf, oui, évidemment. Bah, hein. Du neuf dans votre vie. Bah voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Laetitia Nellet, Christine Haas, votre Astro 2019 sur RTL. Et nous commençons avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Laetitia, bonjour Christine. Bonjour Véronique. J'ai pas encore eu le temps de monter votre thème, mais je vais le faire pendant que Laetitia nous parle de vous. Oui, alors pour expliquer comment ça se passe, évidemment, pour monter le thème, lorsque vous appelez le 3210 ou lorsque vous envoyez un SMS, vous devez absolument préciser vos dates, heures et lieux de naissance. À partir de là, Christine entre ces 3 données dans l'ordinateur et le thème de votre naissance va s'afficher. Elle pourra à ce moment-là l'interpréter. Alors Véronique, comment ça s'est passé le réveillon hier soir? Eh bien, gentiment, voilà, entre amis, et puis ben, moi, c'était fort sympathique, voilà, pour cette nouvelle année. Et vous êtes déjà debout? Oui, ben, j'ai mis le réveil ce matin pour être avec vous. Génial. Ça, c'est sympa. Vous êtes motivée alors, super. Oui, absolument. Véronique, on va parler un peu de vous. Déjà, quel est votre signe? Je suis Taureau. Taureau. Vous étiez attachée de presse pendant de nombreuses années. Et absolument. Puis, vous avez eu un grand ras-le-bol, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est un métier exigeant, difficile. Et puis, je crois que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie peut-être d'un petit peu plus d'humanité, plus de contact humain, plus de... Enfin, voilà. J'avais envie de me réorienter, en tout cas, de changer de vie et de changer de métier. Et alors, vous vous êtes réorientée vers quoi? Eh bien, je suis en train de devenir formatrice en éloquence et en prise de parole éducative pour aider les jeunes dans les collèges et les lycées qui ont parfois un petit peu de mal à appréhender la parole. Mm-hmm. Eh bien, justement, à leur donner confiance en eux pour que voilà, ils soient un petit peu mieux dans leur expression orale. Et oui, ça c'est vraiment essentiel. Voilà. Hein, extra. C'est une très bonne idée, Véronique. Ouais. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il va y avoir de gros changements comme ça pour tous les taureaux. Hein, oui. Alors, Oui, pour les taureaux du premier décan, dont vous ne faites pas partie. Non. Vous non. êtes du second décan. Mais oui. bon, étant donné qu'il s'agit d'une dissonance d'Uranus, que Uranus est une planète collective, très lente, on peut se demander si tout le signe, finalement, n'est pas impacté par cette volonté de se créer une nouvelle vie. Hein. C'est très créatif, Uranus en taureau est créative. Et donc, l'idée que vous avez eu, et ma foi, en plus de ça, vous savez que le taureau, ça va vous faire rire, c'est le signe de la voix. Ah oui. Ah oui. Ah ben le signe de la voix, c'est génial pour ce qu'elle va faire, c'est super. Mais, oui, mais c'est pas génial pour moi. Non. Moi je trouve que avec en plus de ça, un bon aspect de Saturne hein, qui va durer quasiment toute l'année avec votre Soleil, donc pour le deuxième décan du Taureau, vous allez pouvoir installer quelque chose non seulement qui aura des bases solides, mais qui va être durable. Hein. Ah, c'est-à-dire que vous allez certainement, c'est une seconde partie de vie, une seconde partie de carrière, et qui montre à nos auditeurs qu'on peut se réinventer, qu'on peut repartir de zéro dans sa vie et peut-être faire ce qu'on a toujours eu envie de faire et que les circonstances n'ont pas permis de concrétiser en première partie de vie. La seconde partie de vie, elle est vraiment destinée à nous réaliser, nous, personnellement, à ne pas répondre aux attentes des autres. Parce que quand on est jeune, on essaie de répondre aux attentes de ses parents, qui voudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et la deuxième partie de vie, elle est pour nous. Elle nous appartient. C'est intéressant ce que vous dites. Et donc, tous les taureaux qui nous écoutent et qui sont un peu moroses peuvent se dire que cette année, il y aura peut-être du changement. Entre cette année, l'année prochaine, l'année d'après, suivant votre décan, mais je vous dis, je pense que ça peut jouer hein, sur les trois décans, il va y avoir du nouveau dans votre vie, que ce soit du nouveau positif ou du nouveau négatif, vous saurez transformer ça en quelque chose de positif parce que c'est une des bonnes dispositions du taureau que de voir le positif partout. Hein vous êtes d'accord, Véronique ? Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les taureaux, en tout cas, oui, c'est vrai que j'essaie toujours de voir le côté positif des choses et oui, absolument. Bon, le seul problème que je vois dans votre thème, donc vous êtes taureau ascendant en balance, c'est-à-dire que vous êtes très vénusienne, Vénus est vraiment votre planète, et donc les rapports avec les autres sont extrêmement importants, que ce soit les rapports de couple ou les rapports entre collègues ou tout ce que vous voulez de relationnel. Or, vous avez une conjonction Lune-Saturne dans votre secteur des rapports avec les autres, et il est très possible que vous ayez des difficultés à tenir une relation ou même que vous ayez un sentiment de solitude. Ah. Non. Vous êtes célibataire, oui, c'est ça. Oui. Et c'est un choix ou ça vous est imposé? Non. C'est pour l'instant, c'est comme ça, quoi. Enfin, ni imposé ni par choix, c'est comme ça. Vous sentez bien. Bon, le principal, c'est que vous soyez bien. Exactement. Pour l'instant, ça ne vous pèse pas. Non, pas plus que ça, non. Bon. Puis de toute façon, vous avez des projets qui sont importants et il vous faut toute votre énergie pour concrétiser ce projet. Oui, absolument. Donc là, vous êtes en formation et cette formation, elle va s'arrêter dans combien de temps, Véronique ? Ah là, ça y est, c'est début janvier, là, ça y est, c'est quasiment là, c'est la fin, là, ça y est, nouvelle vie commence pour de vrai. Ça. Et après, comment ça se passe ? C'est vos interventions ont lieu dans le cadre scolaire ou ? Alors, oui, absolument, c'est par le biais d'une association qui nous a formés, d'ailleurs, enfin, moi et d'autres formateurs, qui s'appelle Eloquentia. Mm-hmm. C'est une association qui a été créée par Stéphane de Freitas, celui qui avait fait le documentaire à voix haute. Voilà, exactement. Et donc, on va intervenir par l'intermédiaire d'Eloquentia dans les collèges et les lycées. Je vais ajouter de l'eau à votre moulin. Vous avez en essence une conjonction Soleil-Mercure, donc en taureau, dans le signe de la voix. Et Mercure est la planète de la communication et des échanges. Donc vous êtes totalement en phase avec votre thème. Mais vous l'étiez aussi en étant attachée de presse. Hein, parce oui, que... c'est ça. C'est vrai que la voix a eu une importance capitale, en fait, dans toute ma vie, dans toute ma carrière, quoi que j'ai fait. Il y a toujours eu un moment où, effectivement, c'était un élément déclencheur très important. Mmh. Bah écoutez Véronique, j'ai l'impression que vous êtes sur le bon chemin et que tout ça est confirmé par votre thème. Oui, je suis contente pour tous les taureaux, hein, pour qui ça devrait être une bonne année. Hein. On va faire un petit résumé. Oui, bien sûr, pour le taureau. Alors, taureau, il y a plusieurs décans. Donc, premier décan, ça va être... Écoutez, bon, le premier décan, on a vu que c'était l'aspect d'Uranus qui est à l'origine des changements. Bon, elle est du deuxième décan, Véronique, mais apparemment Uranus joue quand même un rôle bon, il n'y a pas tellement d'autres planètes, ce sont surtout donc les évolutions d'Uranus qui par moment, par crise on va dire, va permettre à ces taureaux du premier décan de progresser. Alors ce qui va être important aussi, c'est la présence de Jupiter en Sagittaire pour tous les taureaux, c'est votre signe d'argent, et on sait à quel point l'argent peut être important, hein, on l'a vu souvent l'été dernier. Alors là, il est plus question de faire fructifier vos avoirs. Alors, l'astrologie, c'est un langage symbolique. Alors, vos avoirs, ça peut être pas forcément des avoirs matériels. Ça peut être des acquisitions, comme l'a fait Véronique. Elle a fait des acquisitions en faisant cette formation. Et donc, elle va peut-être pouvoir en profiter. Il y a du profit avec Jupiter en Sagittaire. Et souvent aussi, pour certaines personnes, il y a un héritage, des histoires autour d'un héritage, d'une donation... voilà, de quelque chose de cet ordre. Et pour le troisième décan ? Le troisième décan, il est plutôt en paix. Il n'y a pas vraiment de... Il y a plutôt des bons aspects. Donc, le troisième décan va se développer tranquillement. Sauf si, bien sûr, faut voir votre ascendant. Ça, je ne l'ai pas. Et j'ai suivi de Véronique, mais je n'ai pas suivi des auditeurs. C'est surtout l'ascendant qui va gérer les rapports avec les autres cette année pour le troisième décan. Véronique, voilà, c'était le détail de votre thème astral par Christina ce matin en direct. C'est super, merci beaucoup, c'était chouette de commencer l'année avec vous. Ça nous a fait plaisir, on vous souhaite une très très belle journée et une belle réussite donc dans votre projet, mais ça a l'air bien parti. Super. Et merci Véronique, au revoir. Merci beaucoup à toutes les deux, au revoir. Et puis si vous êtes derrière votre poste, que vous vous réveillez péniblement ou pas, n'hésitez pas, nous sommes en direct sur RTL, vous pouvez bien sûr appeler le 3210 pour nous parler et surtout pour parler de vous, de votre thème astral. Jusqu'à 14h, nous allons évoquer les 12 signes du zodiaque. Alors n'hésitez pas à nous contacter. d'année sur RTL jusqu'à 14h. Votre astro 2019, que va-t-il se passer pour votre signe en cette année 2019? Pour le savoir, appelez le 3210. Nous serons très heureuses de vous avoir en direct au bout du fil. RTL, votre astro 2019. Christine Haas, Laetitia Nallet. Et on vient de parler du taureau avec Véronique. Taureau côté cœur, d'une manière générale, comment ça va se passer, Christine? Bon, il faut savoir que pour le taureau, la vie sentimentale est extrêmement importante. C'est le signe de Vénus, donc il faudra suivre dans mes horoscopes que vous pouvez lire sur le site ou dans mon application. Écoutez maintenant. Mais bon, suivre plutôt au mois par mois, semaine par semaine, parce que ça va être les évolutions de Vénus qui vont compter. Or, Vénus, cette année, ne s'arrête pas, ne fait pas de rétrogradation, donc elle va être très rapide, elle va traverser rapidement les signes. Donc, il y aura des périodes où le taureau sera très à l'aise et des périodes où il sera un petit peu moins à l'aise avec les autres. Mais bon, rien que du banal. Hein. Sauf, évidemment, pour le premier décan, avec cette dissonance d'Uranus qui apporte du changement, je vous l'ai dit, du changement positif ou du changement un peu négatif, parce que vous allez être obligé peut-être de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, peut-être d'un bien, tout simplement. Mais pour le taureau, tout ce qui est séparation est arrachement, parce qu'il est de nature très possessive et tout ce qui lui appartient, ça fait partie de lui. C'est comme un bras ou une jambe. Et quand il est obligé de se séparer d'un bien, d'un objet, d'une personne, c'est toujours une importante crise dans sa vie. Des taureaux connus, il y en a évidemment. Il y a par exemple Laetitia Casta. Ah ben oui, elle est terriblement vénusienne. Hein. Laetitia Casta qui est à l'affiche du film L'homme fidèle, film de Louis Garrel, son compagnon dans la vie. Oui. Voilà. Et on la voit aussi dans le calendrier Pirelli. Il paraît qu'il y a une très très belle photo de Laetitia Casta. Mais il n'y a que des belles photos dans ce calendrier. Oui, c'est vrai. Nicolas Hulot qui est taureau. Et puis aussi Patrick Bruel. Oh, j'aimerais tout recommencer. Patrick Bruel qui sera en concert l'année 2019. Il sera à Dijon par exemple le 16 février et à Strasbourg le 2 mars. L'occasion de réécouter ses grands succès et de découvrir son nouvel album Ce soir on dort. Parmi les taureaux célèbres, Georges Clooney aussi qui lui prépare une série militaire un peu décalée que l'on verra sur Canal+ et sur la plateforme Hulu en 2019. On voit à quel point finalement le taureau est un signe plein de séduction. Et Christian Clavier taureau aussi. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ça sera donc le... Ça sort cette année? Oui, ça sort. Le deuxième numéro 2? 30 janvier, voilà, le numéro Super. 2 exactement. On risque de bien rigoler encore. 3210 pour nous appeler votre Astro 2019. Astro 2019 sur RTL. Et c'est Corinne qui nous rejoint au 3210. Bonjour Corinne. Bonjour Laetitia, bonjour Christine. Bonjour Corinne, vous êtes un cancer ascendant gémeaux, hein, oui. Avec Uranus sur l'ascendant. Vous faites rien comme les autres, hein? Comment? Excusez-moi. Je dis, vous avez Uranus sur votre ascendant gémeaux et je continue en disant que, comme beaucoup d'Uraniens, vous ne faites rien comme les autres et vous n'aimez pas être là où on vous attend. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Corinne, vous êtes maman de deux enfants et vous entretenez d'excellentes relations avec vos enfants. L'un habite Lyon, l'autre en Chine. Oh bah dis donc, c'est pas la porte à côté. Et vous, vous êtes située où? À Antibes. Antibes, d'accord. Lyon, Chine, Antibes. Évidemment, vous êtes quand même loin d'eux et loin de vos petits-enfants. Tout à fait. Et c'est pour ça que votre projet à vous, c'est de vendre votre appartement à Antibes et de vous rapprocher de votre fils. Alors lequel? Vous allez aller en Chine ou à Lyon? Non, pas si loin. À Lyon. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait deux auditeurs qui ont un projet. Et je suis très contente de ça parce que avoir un projet, c'est s'inscrire dans la vie et surtout dans l'avenir et avoir confiance en l'avenir d'une certaine manière. Donc, je suis très contente, Corinne. Vous auriez pu vendre votre appartement là en 2018. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait? Mais écoutez, je ne sais pas. J'ai beaucoup hésité, il est vrai. Vous avez trop hésité. Je voulais vendre, je voulais pas vendre. Le déménagement me faisait peur, mais là, j'ai pris la ferme décision de devoir me séparer de cet appartement pour me rapprocher de Lyon et être plus proche d'un de mes enfants. Voilà. Écoutez, ça va se faire, mais il va falloir être patiente. Hein. À mon avis, vous aurez des vous allez très certainement avoir des touches, mais vous avez cette opposition de Saturne, hein, dont je parle souvent, qui est un frein, qui empêche finalement les choses de se faire rapidement. Aussi, je vous conseille de faire preuve de patience et de ne pas vous énerver parce que ça ne viendra pas... ça ne va pas être aussi simple que ça. Pas aussi rapide. Voilà, pas d'accord, aussi rapide d'accord. qu'elle l'espère. Et c'est vrai que le cancer, on a l'impression que c'est un signe calme, etc. Mais le cancer a quand même un côté assez offensif. Il aime bien que ça bouge. Oui. Et là, bon, avec l'opposition de Saturne, malheureusement, qui sera terminée dans le courant de l'année, à la fin de l'année. Mais bon, toute cette année a passé et vous risquez d'avoir effectivement des propositions, mais qui ne correspondront pas, sera pas assez. Alors, il y a une autre solution, c'est de baisser un petit peu votre prix si vous avez une proposition sérieuse. Hein. Mais bon, je sais que quand on est propriétaire d'un bien, on a tendance un petit peu à le surestimer et on n'aime pas baisser le prix. Oui, mais ça fait ça. J'ai déjà baissé le prix, hein. Ma foi, maintenant, je suis au prix plancher en quelque sorte. Vous êtes vraiment au prix du marché ? Prix du marché, je ne sais pas, mais prix de revient de l'appartement. Ah oui. Au regard des travaux que j'ai effectués lorsque j'ai aménagé. Oui, je m'en doute que vous avez. Mais regardez quand même le prix du marché de manière à ce que vous n'en soyez pas trop éloigné. Parce que c'est ça ce que regardent les acheteurs. Hein. C'est le prix du marché. Ils ne regardent pas les travaux que vous avez faits. Pour d'accord, eux, c'est fait, c'est payé. Enfin, vous voyez, ça fait partie de l'appartement. Donc, je pense que vous avez intérêt à regarder s'il n'y a pas un trop grand écart entre le prix que vous demandez et le prix du marché. Et puis, il faut d'accord. peut-être faire un peu de homestaging. Vous connaissez, Corinne ? Oui, des portes ouvertes, c'est ça, C'est-à-dire que, par exemple, vous allez ranger vos placards et vos bibliothèques, vous allez vider un petit peu pour que les gens, en fait, quand ils visitent, ils aient l'impression qu'il y a énormément de place, de rangement. Alors que s'ils ouvrent un placard qui est bourré à craquer, ouais. ils se disent « Oh là là, c'est petit, je vais pas y arriver ». Vous voyez ? Il faut faire des petites choses comme ça, vous mettez à la cave les affaires. Des astuces, effectivement. Et oui, ce sont des astuces qu'il faut comprendre et ça aide à la vente. Bon, ben, Corinne, c'est gentil, merci de ces conseils. On vous souhaite une bonne réalisation de votre projet. Non, mais vous aurez des occasions. Hein. Simplement, le jour où quelqu'un va se décider, ça va prendre du temps. Ça ne sera pas aussi rapide. Cela dit, au mois de mai, avril-mai, Saturne va s'éloigner. Là, vous avez une fenêtre de tir hein, pour vendre. D'accord. Entre avril et mai, oui. Eh bien, écoutez, merci infiniment de ces prédictions. Mais de rien. En tous les cas, je vous souhaite une très, très bonne année à vous tous, à tous les merci auditeurs Corinne, d'RTL. Merci, Corinne, à vous aussi. Oui. J'ai une pensée également pour la France, de façon à ce qu'elle sorte de cette crise, de ce malaise, et qu'elle devienne le pays prospère pour le bonheur et la joie de tous. Non, c'est joli. Écoutez, c'est très joli, on en a bien besoin. Vous avez tout à fait raison, Corinne. Merci beaucoup et bonne réalisation. Merci. Merci, Corinne. Au revoir. Au revoir. Belle année 2019, Corinne. Le signe du cancer, on en reparle dans un instant. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Savez-vous que tel un super-héros, votre foi a le pouvoir de se régénérer ? Important un 1er janvier. Ou encore que Michael Jackson et Prince ont failli collaborer. On vous raconte les super-pouvoirs du foie et l'histoire de Michael Jackson tout à l'heure, à 14h sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter des milliers de cadeaux. Tu veux quoi pour ton anniversaire, mon chéri ? Un ticket de caisse. Oh, mais t'exagères, t'as déjà eu un pour Noël ? Cette année, votre ticket de caisse peut vous faire gagner des milliers de cadeaux. Pour jouer, téléchargez l'appli Intermarché 50 ans. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Application disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Modalité complète des jeux sur intermarché.com et à l'accueil des magasins participants. Vendredi soir, France 3 vous emmène dans les années Bouvard. Une balade dans le parcours hors norme d'un touche-à-tout pertinent et impertinent. Des amitiés inattendues, des innovations qui ont jalonné la carrière de Philippe Bouvard et marqué plusieurs générations. Les années Bouvard, le rire et l'impertinence, un film proposé et réalisé par Mireille Dumas, vendredi à 21h sur France 3. Avec RTL. Bonne année 2019 avec la première radio de France. Yeah. Laetitia Nallet, Christine Haas. Votre astro 2019 sur RTL. Bonne année 2019 à tous sur RTL et dans la vie en général et surtout par rapport à votre signe. Alors avec Corinne, on vient d'évoquer un peu le cancer et d'une manière plus générale, Christine, pour le cancer cette année 2019. Alors le cancer a de très belles chances, surtout ceux qui sont nés au mois de juin, dans la mesure où Uranus, dont on a parlé tout à l'heure, est en bon aspect avec eux et en gros aussi avec les autres décans, mais plus particulièrement avec le premier décan. C'est un changement d'activité, une activité qui vous plaît davantage, un projet peut-être d'activité en indépendant, tout ce qui va vous permettre de conquérir ou de reconquérir votre liberté et tout ça dans un climat plutôt agréable, hein, puisque Uranus est en bon aspect. Disons que ce ne sera pas un arrachement, un déchirement, comme je parlais tout à l'heure pour les taureaux. Pour les cancers, ce sera au contraire un désir profond de faire quelque chose de nouveau. Alors, bon, ça peut atteindre aussi le deuxième décan, mais le deuxième décan, il a une grosse affaire, hein, un gros dossier, c'est l'opposition de Saturne, une Saturne qui se trouve face à eux. Donc, comme notre auditrice le disait, elle a trop hésité, elle a perdu du temps à hésiter pour la vente de sa maison. Eh bien, vous aussi, vous serez très hésitant avec cette opposition de Saturne et vous aurez du mal, si vous avez des choix à faire, eh bien, à vous décider et à savoir quel est ce bon choix. Bon, en ce qui concerne le troisième décan, Saturne va être un petit peu présente pour eux aussi. Donc, on peut en déduire qu'ils auront les mêmes difficultés à faire des choix et ou à se positionner s'il y a un conflit, une séparation ou quelque chose de ce genre. Mais ça, c'est vraiment... On reste positif parce que ça n'est pas dans tous les cas. Et il faut bien vous dire que quand je parle de votre signe comme ça, je ne parle que du Soleil. Et il y a 9 autres planètes, il y a 12 signes, 12 secteurs. Donc c'est vraiment extrêmement, léger, quoi. Comme, Les grandes lignes, on va dire. Ce voilà. Sont vraiment des, de très grandes de lignes. De très grandes lignes. Parmi les cancers célèbres, Marc-Olivier Fogiel, notre ami. Notre Marco. Notre Marco, oui. Qu'on retrouve dans RTL Soir. Bonne année, Marco. Et puis Tom Cruise et Beyoncé également. Beyoncé qui prêtera sa voix au Roi Lion, le film de Jon Favreau, celui qui a fait le Livre de la Jungle. Elle sera Nala. La sortie, ça sera au mois de juillet 2019. Et l'histoire sera similaire à celle du dessin animé. Et puis il y a Julien Doré aussi qui est cancer. Julien Doré qui a chanté surtout avec Louane cette année midi en novembre. Et on verra aussi Danny Boone cancer en janvier au Théâtre Antoine à Paris avec Valérie Bonneton. Et puis vous si vous êtes cancer, vous pourrez réécouter évidemment votre signe en podcast tout à l'heure à partir de 14h. Et pour le moment sur RTL, il est 10h. L'heure des informations avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. 2019 débute sans fausse note après des semaines de manifestations sociales des Gilets jaunes qui avaient fait craindre aux autorités des débordements pour la Saint-Sylvestre sur les Champs-Élysées et en région. Tout s'est finalement déroulé dans le calme. 300 000 personnes rassemblées sur l'avenue des Champs-Élysées pour attendre les 12 coups de minuit hier soir. Parmi eux, seulement 200 Gilets jaunes selon la préfecture de police. Lors de ses vœux, hier soir, Emmanuel Macron a appelé à retrouver l'unité des Français en dénonçant dénonçant les porte-voix d'une foule haineuse. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, a martelé le chef de l'État. Allusion au débordement de ces dernières semaines, une allocution présidentielle qui a rapidement attiré les foudres des oppositions de droite comme de gauche. Les insoumis critiquant le ton martial d'Emmanuel Macron qui va sans doute renforcer la mobilisation des gilets jaunes. À Strasbourg, 9 blessés hier soir à cause des pétards. Un ado de 15 ans et un jeune homme de 20 ans ont eu deux doigts amputés. Ils avaient tous les deux utilisé des artifices interdits au commerce en France. L'un provenait apparemment de Pologne, l'autre fabriqué artisanalement. Les autres blessés souffrent de brûlures, plaies aux mains et au visage, surdité temporaire. 9 blessés, c'est moins que l'an dernier, mais la moyenne d'âge des victimes est plus élevée. À Rennes, 8 personnes ont passé le réveillon du Nouvel An à 50 mètres du sol, les pieds dans le vide, dans un manège bloqué pour défaillance technique. Certains sont restés en l'air plus de 9 heures avant de finalement retrouver la terre ferme, sain et sauf. S'il n'y avait pas de risque tant que les passagers étaient en l'air, la descente a été plus périlleuse et a nécessité l'intervention de pompiers spécialisés, mais aussi d'un hélicoptère. Une fin d'année difficile pour les vendeurs de voitures particulières. Malgré un bilan annuel en hausse, plus 3% d'immatriculation de voitures neuves en 2018, eh bien les ventes se sont effondrées au mois de décembre, moins 14,5% en raison du mouvement des gilets jaunes qui a affecté le commerce, mais aussi parce que beaucoup de voitures, notamment étrangères, ne sont pas encore arrivées sur le marché français, faute d'homologation. Tradition de ce 1er janvier, une nouvelle promotion de la Légion d'honneur qui distingue notamment de nombreux policiers et pompiers. Parmi les célébrités, l'écrivain Michel Houellebecq, mais aussi les 23 footballeurs de l'équipe de France, champion du monde. Et puis en ce début d'année, le Brésil accueille son nouveau président, Jair Bolsonaro, le premier chef d'État brésilien d'extrême droite. En dépit de ses dérapages racistes, misogynes et homophobes, il a séduit 55% des Brésiliens en leur promettant de mater corruption, violence et crise économique. La météo pour cet après-midi, 2019 commence sous un épais manteau de grisaille sur la moitié nord et le sud-ouest de la France, avec un temps humide, des pluies fines ou des brunes régulières. Le ciel sera en revanche bien dégagé dans les Pyrénées et les Alpes. Soleil également sur les plages de la Côte d'Azur et de la Corse, balayé par des rafales de vent. Les températures, il fera 4 degrés cet après-midi à Toulouse, 5 à Limoges, 8 à Lyon, 10 à Paris, 13 à Avignon et 14 à Bastia. Les courses à Vincennes cet après-midi. Voici les pronostics de Bernard Glass en vue du Quintet. Il vous conseille de miser sur le 11, le 5, le 15, le 8, le 7, le 6, le 2, le 17 et la dernière minute, c'est le numéro 8, Arrival de Ginet. Il est 10h03 sur RTL. Vous retrouvez Christina, c'est Laetitia Nallet pour la suite de votre émission Astro 2019. Merci Alexandre. On vous retrouve forcément tout à l'heure. Oui, bien sûr, à tout à l'heure. 11h, Alexandre. 11h. Ouais. Il est beau avec son nœud papillon. Merci beaucoup. Si vous allez sur rtl.fr, vous pourrez le voir. Très 2019. C'est ma manière de vous souhaiter une très belle année 2019. Non, puis c'est sympa parce qu'il est coloré. Il est. Ouais, ouais. Voilà. Bleu, comme cette nouvelle année. Exactement. On aime bien. Bravo. Alors. Christine est en train de, en direct sur les réseaux sociaux, en faire une vidéo. Sur Facebook, oui. Voilà, du nœud papillon d'Alexandre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Laetitia Nallet, Christine Haas. Votre Astro 2019 sur RTL. RTL, et oui, prochaines infos à 11h. Et pour ceux qui ouvrent tout juste un œil, bonjour et bonne année 2019. C'est la tradition sur RTL, chaque 1er janvier avec Christine. Nous sommes là pour vous raconter l'année 2019, signe par signe. Christine, on peut donner les grandes tendances d'un signe, mais pour être d'une grande précision, en fait, il faut tenir compte de nombreux facteurs. Et oui, hein, il n'y a pas que le soleil, donc il n'y a pas que le signe solaire. Il y a l'ascendant qui est très important, aussi important que le signe solaire. Tous les secteurs, toutes les autres planètes, il y a 10 planètes en tout, les aspects qu'elles forment entre elles, les secteurs dans lesquels elles se trouvent, tout ça est d'une importance capitale pour monter un thème et pour avoir vraiment plus de précision que je ne peux vous en donner dans mes horoscopes. Alors nous avons déjà vu deux signes, le signe du taureau, le signe du cancer. Rassurez-vous, si vous les avez loupés à partir de 14h, vous pourrez les retrouver en podcast, en évidemment. Podcast, oui. Et puis encore pas mal de signes à passer. Maintenant, peut-être votre signe à vous, vous pouvez nous appeler pour avoir vos précisions sur mesure. La personnalisation est possible en appelant le 3210 ou en envoyant Astro au 74 900. Pour connaître le prochain signe, c'est pas la roulette russe, hein, Christine, mais c'est plutôt l'auditeur au bout du fil qui va décider. Et au bout du fil maintenant, c'est Christine. Bonjour Christine. Bonjour Laetitia, bonjour Christine. Bonjour Christine. Je vous souhaite une bonne année. Ben, très bonne année à vous aussi, hein, qui êtes donc un double Sagittaire, mais enfin très limite. Hein. Vous auriez pu être Capricorne à quelques heures près. Oui. Parce qu'elle est du 21-12, voilà, fin de signe. Hein. Voilà. Ouais, exactement. Mais elle n'est pas comme vous. Non, pas tout. Enfin, moi, je suis du 12. Ah oui, c'est l'inverse, oui. Un peu avant. Ça fait pas, c'est pas le même décan, c'est ça, du coup? Ah non, non. Si, le 12, c'est le début du troisième décan, oui. Alors, ma chère Christine, vous êtes veuve depuis 11 ans. Vous avez tenté de refaire votre vie il y a 4 ans. Mais cette histoire s'est terminée, car l'homme que vous aimiez ne savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie. Il voulait pas s'engager, oui. En fait? Je pense que nous n'avions pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre. Ouais. D'accord. Vous êtes inscrite sur des sites de rencontres, mais vous dites ne tomber que sur des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne sont pas stables. Vous avez évidemment de rompre cette solitude et surtout de trouver quelqu'un pour avoir une vraie relation amoureuse. Alors on va regarder ce que dit votre thème astral pour 2019. Voilà, alors donc vous êtes Capricorne, ascendant Sagittaire, et en tant qu'ascendant Sagittaire... Elle est Capricorne, ascendant Sagittaire ou non, Sagittaire ? Non, Sagittaire, non, ah, voilà. Parce que le soleil est tout près du Capricorne, donc j'ai tendance à le mettre en Capricorne. Voilà. Donc là, on est dans le signe du Sagittaire. On est en double Sagittaire. Et quand on est ascendant Sagittaire, eh bien, on a le descendant en Gémeaux. Le descendant, c'est le secteur de votre thème qui représente les autres et qui représente vos unions et associations également. Et quand on a un descendant en Gémeaux, c'est vrai qu'on tombe souvent sur des personnes inconstantes. Et alors, plus la personne se comporte en être libre et qui ne veut pas s'engager, etc. Et plus on s'accroche. Hein. Je pense plus on est amoureuse. Ouais. Oui, c'est ça. Vous ne pensez pas, Christine ? Oui, tout à fait. Voilà. Hein ? C'est un peu mon défaut. Voilà, surtout ou que point faible. Vous avez oui. Vénus en Capricorne, on y arrive quand même au Capricorne, hein, et que la Vénus du Capricorne, bon ben elle s'attache forcément, c'est un signe de terre, elle s'attache fortement. Alors ce que je peux vous donner comme conseil pour essayer d'éviter hein, ce genre de situation où vous voulez vous engager et l'autre ne le souhaite pas, il faudrait inverser la tendance, c'est-à-dire essayer de commencer une relation de manière amicale, en tenant l'autre un petit peu à distance, de manière à ce qu'il s'attache. Parce que c'est la distance, c'est l'espace que vous laissez entre vous et l'autre qui lui permet de penser à vous, de fantasmer, de vous désirer. Ça n'est pas en le collant, entre guillemets, hein, bien évidemment, que vous réussirez à construire quelque chose. Vous savez, l'être humain, quand il se sent libre, il est beaucoup plus disposé à entamer une relation que quand il a tout de suite la sensation d'être pris dans quelque chose ou qu'on lui met le grappin dessus. Et c'est vrai que, en tant que Capricorne, vous avez très certainement besoin hein, de former un couple, de vous établir sérieusement, comme on disait dans le temps. Bon, avec en tant que Capricorne, en tant que Vénus Capricorne, hein, mais votre ascendant Sagittaire vous met au défi, d'une certaine manière, d'alléger la relation, d'être moins dans un besoin de concrétiser quelque chose, de vous engager vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même un déséquilibre entre votre volonté de vous engager et les gens que vous rencontrez, hein, qui ne souhaitent pas s'engager. Donc forcément, il faut que vous rétablissiez l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à construire quelque chose. Donc vous, être moins en demande et créer la demande chez l'autre. Et pourtant, je ne suis pas du tout dans la relation à l'autre. Au contraire, je ne m'accroche pas. Non, je vous donnais certainement pas cette impression, mais à l'intérieur de vous, inconsciemment, on sent que vous avez besoin de quelque chose de solide, de stable, de sérieux, de quelque chose qui se construise. Hein, oui. Alors que l'autre, ceux que vous rencontrez, ne sont pas forcément sont pas là-dedans. Ils sont pas dans le même désir que vous. Oui. Je dis pas que vous vous accrochez. Hein. Je dis que vos besoins ne correspondent peut-être pas à ceux que vous rencontrez. Donc, soit vous changez d'attitude, hein, soit vous faites des choix un petit peu différents au niveau des hommes que vous rencontrez. Oui. Pas facile. Ah non, c'est pas facile, parce que là... Parce que c'est inconscient ce qu'elle fait. Voilà, non, puis c'est un truc de base dans son thème. Hein. Alors, dans votre famille, dans vos parents, dans vos frères et sœurs, a été ce personnage un petit peu léger que vous vouliez attraper ou dont vous vouliez vous faire aimer, peut-être que c'est quelque chose à quoi vous devez réfléchir, parce que ça a l'air d'être un schéma répétitif. Hein, vous disiez que c'était à plusieurs reprises que ça vous était arrivé. Donc, oui, parce que c'est bon, déjà un site de rencontre, c'est particulier, hein, c'est pas, on rencontre pas quelqu'un, c'est pas naturel. Voilà, par rapport, si vous rencontrez quelqu'un dans d'autres circonstances, les choses peuvent éventuellement se faire. Sur un site de rencontre, c'est vraiment spécial, c'est vraiment spécial. Il y a des codes, c'est comme tout finalement. Oui, non, le problème du site de rencontre, c'est que c'est déclaratif. C'est-à-dire on dit « je suis comme ci, je suis comme ça hein. ». Mais je suis en train de monter un site de rencontre à base de thème astral, où on ne pourra pas mentir, c'est le thème astral qui vous dira à qui vous avez affaire. Donc, ça peut être intéressant. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Est-ce qu'il y a des signes qui sont incompatibles, entre guillemets, avec moi? Non, il n'y a pas de signes incompatibles, il faut regarder les thèmes. Hein. Oui. Mais on va dire que, par exemple, comme vous êtes double sagittaire, que le signe qui vous fait face, le gémeaux, qui est justement un signe léger, un petit peu, qui n'aime pas s'engager, si vous tombez sur des gémeaux, il vaudrait mieux les éviter. Oui. Mais dites-lui plutôt lequel pourrait lui convenir. Tous les signes de feu, le bélier, le lion, un autre sagittaire vous conviendrait très bien, de même que la balance est un très bon signe pour les sagittaires, hein, vraiment. Oui, mon mari était balance. Ah bah vous voyez, hein, il n'est plus Non, il est décédé il y a 11 ans. Était balance, on a été mariés 32 ans. Oui, donc vous voyez que j'ai raison quand je vous dis que la balance est très bonne. Ah oui, je m'entends très bien avec la balance. Et trouvez-vous un ami verso? Un verso, Alors vous avez la petite do list là, hein, pour 2019, donc les bons signes possibles. C'est pas mal ça. Peut vous aider, Christine. C'est très compatible avec vous, oui. Christine, du signe du Sagittaire, merci pour votre appel. Très belle année. Et on espère que vous allez vite rencontrer le signe avec qui ça va coller. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, merci Christine. Au revoir. Et n'oubliez pas qu'au 3210, vous pouvez évidemment continuer à nous appeler et que le signe du Sagittaire, nous allons en reparler. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Et Thomas Hugues. Et Anaïs Bouton. Petit et grand bonheur. Santé et prospérité. Amitié et curiosité. On vous souhaite. Et on s'y met à trois. Une belle année 2019. Sur RTL. Bonjour, moi c'est Tom. Et lui, c'est Moby. Il a fallu que j'attende un peu pour le rencontrer. Car chien guide, eh bien ça ne s'improvise pas. C'est toute une éducation, hein Moby? Mais tu es prêt maintenant. Et grâce à toi, je peux aller où je veux. Mais oui Moby, toi et moi, on va être inséparables. Transmettre un leg ou une assurance vie aux chiens guides d'aveugles, c'est financer partout en France l'éducation de nos chiens pour offrir à des personnes déficientes visuelles le compagnon indispensable à leur autonomie. Informez-vous gratuitement au 0800 147 852 ou sur chienguideleg.fr. Bonne année 2019 avec RTL. On a tellement de choses à se dire. Bonne année avec RTL 2019, chouette, ça commence. Et c'est avec Daniel Balavoine. Sonne le matin, pleure chagrin, et repasse le fil humide du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vivre ou survivre, Daniel. Excusez-moi. Daniel Balavoine sur RTL et Christine qui tousse, qui racle la gorge, parce qu'elle a trop crié bonne année hier soir. Non, c'est pas du tout ça. J'ai attrapé. C'est la faute d'Isabelle Morini-Bosque, c'est elle qui m'a passé son rhume. Ah bon, vous échangez des microbes. On est très amis, on s'échange des virus. D'accord, Voilà. Bon, on sait tout. En tout cas, Christine est là. Elle n'a pas beaucoup de voix, mais suffisamment en tout cas pour vous répondre signe par signe. Appelez le 3210 pour nous parler en direct. Au 3210, il y a ce matin Rachel, Chloé, Evan et Lucie qui sont là pour vous accueillir. Laetitia Nallet, Christine Haas, votre astro 2019 sur RTL. Et on parlait du Sagittaire avec notre auditrice Christine tout à l'heure, mais là on va parler du Sagittaire dans les grandes lignes. Sagittaire 2019, que nous prépare cette année ? Bon, écoutez, alors, c'est l'année du Sagittaire, dans le positif comme dans le moins positif, hein, puisqu'on a vu notre président Emmanuel Macron affronter des moments difficiles. Jupiter est entré en Sagittaire donc le 8 novembre, et ça correspond exactement pile poil au problème des gilets jaunes. Voilà, ça a commencé début novembre ou un petit peu plus tard. Toujours est-il que, bon, Jupiter a dépassé le premier décan, est en train de dépasser le premier décan, va faire les trois décans, va s'arrêter dans le troisième décan, qui va être le plus chanceux cette année. Mais les autres aussi, hein. Cela dit, je ferai un petit bémol, parce que pour certains, ça dépend beaucoup de leur thème de naissance et de la position de Jupiter en essence. Alors ceux qui sont nés par exemple en 1960, en 72, en 84, en 96, seront plus chanceux que les autres, parce qu'ils avaient Jupiter en Sagittaire à la naissance. Vous êtes d'accord, Laetitia, là, au lieu d'écrire ? Je prends des notes pour pouvoir redire tout à l'heure. Parce que attention, hein. Cycle de 12 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Cycle de 12 ans avec un demi-cycle de 6 ans. Alors, si ça démarre mal, eh ben, ça s'arrange au bout de 6 ans. Si ça démarre bien, disons qu'il y a une petite baisse de niveau au bout de 6 ans. C'est vraiment un nouveau cycle pour tous les Sagittaires qui démarre dans un contexte extrêmement difficile, qui est celui de l'année 2019 et qui sera encore celui de l'année 2020, avec une conjonction, c'est-à-dire une rencontre entre Saturne et Pluton en Capricorne, quelque chose de jamais vu depuis des siècles et des siècles. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Saturne construit, Pluton détruit. Lequel va l'emporter ? Je pense que Saturne va l'emporter parce qu'elle est chez elle en Capricorne, alors que Pluton n'y est pas. Et puis, vous avez dit que le Sagittaire allait être chanceux, donc ça voilà, va bien se passer. Voilà, oui, mais on est tous... individuellement, on a nos chances, bon, comme d'habitude, mais il faut tenir compte quand même du contexte dans lequel on vit, hein, et qui peut accentuer des chances ou au contraire les minorer. En tout cas, vous l'avez dit, c'est l'année du Sagittaire. Ah, c'est l'année du Sagittaire, c'est sûr. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Le Sagittaire célèbre évidemment Emmanuel Macron, vous l'avez cité. Il y a aussi Mbappé, qui est du 20 décembre. Et puis, Louane. C'est comme partir en voyage. Je l'adore, moi aussi. Et me perdre encore une fois dans tes bras. On l'adore, mais on n'est pas les seuls, hein, puisque Louane, c'est l'album RTL de l'année. C'est vous, auditeur, qui l'avez choisi. Ouais, ouais, elle a Jupiter dans son soleil, vous m'avez dit. Jupiter dans son soleil, enfin bon. C'est ça que vous avez dit ? Ça veut rien dire. C'est la reconnaissance, vous m'avez dit que c'est pour ça qu'elle avait eu l'album elle RTL. Elle a une conjonction soleil-Jupiter. Ah, oui. Voilà, oui, d'accord, pardon. Une rencontre. Soleil, Jupiter. Et donc la rencontre Soleil-Jupiter, ce que vous m'avez expliqué, oui, normalement, c'est chanceux. Hein. C'est probablement grâce à ça qu'elle a eu donc cet album RTL. C'est les de honneurs, hein, aussi, Jupiter. Souvent, on est vraiment congratulé, on reçoit une médaille, on est félicité pour l'ensemble de sa carrière. Enfin, vous voyez, ce genre de trucs. Et ça va continuer toute cette année pour elle, parce que Loane est en tournée dans toute la France en 2019. Elle sera, par exemple, au mois de juin au Zénith, à Paris. Votre astro 2019. Christine Haas, Laetitia Nallet. Sur RTL. 3210 pour nous joindre en direct ce matin. 74 900. Envoyez le code ASTRO par SMS. Et donc au 3210, c'est Mélanie qui est au bout du fil. Bonjour Mélanie. Bonjour Laetitia et Christine. Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc vous êtes, je finis de rentrer, vous, voilà, vous êtes un scorpion ascendant cancer, on est d'accord ? Oui, oui. Comment s'est passé le réveillon Mélanie ? Oh ben, je l'ai passé un peu avec ma tante, enfin que c'est une amie que je considère comme ma maman. Donc on a passé toutes les deux, voilà. Un réveillon plein de douceur alors. Voilà, tout à fait. Et ça c'est agréable. Mélanie, vous étiez à Cannes durant 6 mois, vous êtes retournée vivre chez vous à Mauriac. Et votre plus gros souhait pour 2019, c'est de quitter cette ville et d'aller vous installer vers Sète dans l'Hérault. Pourquoi vous avez envie d'aller à Sète ? Voilà, parce qu'en fait, j'ai un projet professionnel. Donc, ça serait d'ouvrir un snack pour vendre des sandwichs, voilà. Ah, et comme c'est là où il y a la mer, donc il fait beau, voilà. Ah, c'est une ville. En plus, moi, j'adore cette ville. Cette, franchement, c'est vivant, c'est oui, gay. Oui, Sète ou Frontignan. Oui. C'est juste à côté, voilà. Mm-hmm. D'accord. En tout cas, encore quelqu'un qui a un projet. Et c'est extrêmement, positif et dynamique d'entendre toutes ces personnes qui croient en l'avenir et qui ont bien raison d'y croire. Mélanie, donc vous êtes scorpion ascendant cancer. Oui. Cette année 2018, c'est plutôt pas trop mal passé pour vous ? Oui, parce que donc j'ai travaillé donc à Cannes dans un hôtel et donc j'étais logée chez un ami donc à ma tante. Donc voilà. Après oui, il n'y a pas eu de à part le travail, il n'y a pas eu d'autres projets. Oui, mais c'était quand même une année plutôt agréable parce que une année sans chagrin, c'est toujours une bonne année, non ? Oui, c'est joliment dit ça. Jupiter est passé sur votre Mercure début novembre. Est-ce que vous avez eu une nouvelle ? Est-ce que vous avez posé une demande ? Est-ce que vous avez demandé des papiers officiels ou quelque chose de ce genre ? Non. Non, il n'y a rien eu début novembre ? Non, début novembre, non. Vous n'avez pas fait un voyage ? Vous n'êtes pas parti quelque part ? Non, non, non. J'essaye de vérifier. Hein, est-ce que c'est pas le moment où vous avez envisagé d'ouvrir cette sandwicherie ? Oui, sûrement, parce que déjà, j'y pense déjà depuis un petit moment, donc oui. Bon. Après, c'est en fait qu'il faut que je trouve d'abord le logement, pour après ensuite faire ce projet. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une préparation à faire, et que ça ne va pas être tout de suite... vous avez une opposition de Saturne à la naissance, donc tout est lent hein, chez vous. Rien ne va jamais assez vite. Oui, je prends du temps, oui. Vous prenez du temps. Oui. Bon, moi je pense que prenez votre temps, allez à votre rythme. Vous n'avez pas... vous n'avez rien qui vous pousse vraiment à vouloir aller vite. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, voilà. Et puis, vous allez nous préparer tout ça et ça va fonctionner en 2020. D'accord. Hein ? Là, ah oui, j'aurais espéré en cette année. quand même, hein, trouver le logement, faire les papiers, tout le côté administratif hein, qui est géré par Jupiter... tout ça va prendre du temps. Alors peut-être que vous ouvrirez avant, hein, c'est possible. Oui. Mais pas très longtemps avant la fin de l'année. D'accord. Hein ? Mais tout ça est complètement positif, on est bien d'accord. D'accord, oui. Ah oui, oui, oui. Là, vous êtes dans votre... Alors, c'est vrai qu'elle est ascendant cancer, Mélanie, et que les cancers sont des grands gourmands, sont des bons cuisiniers, sont des gens qui aiment les plaisirs de la chair, de la bonne chair. Ça veut dire qu'elle va nous faire des super sandwichs, alors. Ouais, oui, je pense qu'on aura intérêt à aller manger nos sandwichs chez Mélanie, parce que ce sera drôlement bon. D'accord, c'est gentil. Avec des côtés un petit peu originaux, des trucs un peu épicés, hein, avec toutes ces planètes en scorpion. Vous aimez bien ce qui est intense, ce qui est fort. Donc, mettez quelques épices. D'accord, j'y penserai. Miam, miam, miam, ça y est, on commence déjà à avoir faim. Mélanie, belle réalisation de vos projets, ça a l'air bien parti, visiblement. Donc... C'est très bien parti, exactement. D'accord, oui, avancé. Oui, pour 2020, donc voilà. Y a du boulot hein, dans 2019, hein, vous n'allez pas chômer. Hein. Oui, d'accord. Et vous serez aidée hein, quand même. Est-ce que votre tante, elle n'est pas derrière vous, là ? Non, là, elle est juste en haut. Non, non, mais je veux dire... Ah oui, pardon. Est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'elle va vous un bon soutien pour vous? Ah oui, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, mais justement, parce que je veux déménager avec elle, justement. Ah donc, oui, c'est oui, vraiment, voilà. C'est le personnage important de votre vie. Vous avez oui. deux planètes, dont Jupiter, justement, qui est très importante, hein, on le sait, et Vénus, oui. qui est la planète des affections, des sentiments, etc., dans un secteur qui représente la petite parenté. C'est le secteur 3. Et donc, votre bonheur, vos bonheurs viennent de là. D'accord. Mélanie, on vous offre Votre Astro 2019, le livre de Christine Haas, paru aux éditions J'ai lu. Alors lequel? Le gros où il y a tous les signes ou on lui offre juste son signe? Oh, juste son signe? Oh, bon, on est radin. Hein. Ah bon, bah, comme vous voulez, c'est vos livres, hein, ce sont vos livres. Bon, bah, les deux, alors allez hop. En tout cas, tous les auditeurs qui participent à cette émission ce matin oui. se verront remettre le livre Je Votre vais Astro. Vous offrir votre livre 2019. 2019. Absolument. Donc Véronique, D'accord. Corinne, Christine qui sont passées tout à l'heure, évidemment, vous allez les recevoir aussi. Appelez le 3210 si vous voulez participer à l'émission. Merci Mélanie. Tenez-nous Merci. Au courant, hein. On ira vous par voir contre, à cette... Est-ce que je pourrais poser une autre question mais hors non. antenne non, ah non, ah, hors antenne, non, mais non, on ne va pas y arriver. D'accord, bon, merci d'accord. pour votre appel. D'accord. Temps, hein. merci. Et puis pour tous les autres scorpions, surtout, vous restez à l'écoute. Un peu de musique et après, nous allons vous expliquer votre année 2019. Clouds par LSD. Bien, bravo. Généralement, quand il y a un mot un peu compliqué en anglais, je laisse Christine faire. Hein. Et LSD, donc, c'est un collectif autour de la chanteuse Sia, accompagné de Labyrinthe et Diplo, dont le premier album paraîtra en début d'année. Laetitia Nallet, Christine Haas, votre astro 2019 sur RTL. Parlons du signe du scorpion maintenant, d'une manière générale. Christine, pour 2019. Le scorpion n'a pas bonne réputation. Oula. Et c'est totalement usurpé parce qu'en fait, c'est un gentil. C'est vraiment quelqu'un d'hypersensible, mais à fleur de peau. Hein. Mmh. Donc c'est vrai qu'il a des réactions parfois un petit peu inattendues justement à cause de cette sensibilité. Les scorpions ont eu une année 2018 a priori plutôt chanceuse avec Jupiter qui était chez eux, mais bon, comme toujours, je reste prudente puisque je n'ai pas le reste de votre thème. Et en cette année 2019, avec Jupiter en Sagittaire, il va s'agir de développer, de cultiver, de faire sortir de terre les petites graines que vous avez plantées en 2018. Donc, de profiter finalement de tout ce que vous avez mis en place l'année dernière. C'est une année d'argent. Hein, où vous allez pouvoir peut-être gagner plus, parce qu'on sait que le Sagittaire est un signe amplificateur qui vous permet d'être dans le plus. Mm-hmm. Et beaucoup vont très certainement acheter un bien ou faire un achat d'envergure courant 2019 avec Jupiter qui est donc dans leur secteur d'argent jusqu'au mois de décembre. Hein, ça va durer et bien évidemment pour les trois décans. Dans les scorpions connus, il y a Julia Roberts qui est nominée meilleure actrice de la série Homecoming au Golden Globes 2019. Elle joue, il paraît, une thérapeute qui aidait les soldats américains. Ah oui, il faut que je regarde. À réintégrer la société, mais il y a une histoire louche là-dessous. Mmh. Ouais, à regarder, je crois que c'est pas mal du tout d'après ce qu'on a dit. Notre Stéphane du 14 novembre. Stéphane Bern, qui est scorpion, qu'on retrouvera demain à partir de 11h pour À la bonne heure avec Patrick Timsit. Alors, j'ai fait son émission l'autre jour, qu'on avait enregistré début novembre, et alors il me dit quel est le mot-clé pour 2019. Alors, je lui dis, en 2018, c'était scandale et révélation, et en 2019, je lui dis, c'est mensonge. Oula. Le président nous a parlé de mensonges hier, hein, dans son allocution. Ouais, bravo. Parmi les scorpions célèbres, Emma Stone aussi, qui a 6 films prévus en 2019 à suivre. Et puis il y a Jennifer, la chanteuse, qui elle sera en tournée à partir du 10 mars et elle commencera par sa ville natale, c'est-à-dire Nice. Scorpion, Sagittaire, Cancer, Taureau, ça c'est fait. Vous pouvez les réécouter en podcast à partir de 14h. Ouais. Et d'ici là, si vous avez envie qu'on parle avec vous, appelez-nous au 3210. Intermarché vous propose d'écouter 7,90€. Ouais chérie, je vais faire des courses, tu veux quelque chose? Oui, ramène un pack d'eau, une galette des rois et 50 000€. Ok, à tout à l'heure. En ce moment, la galette des rois frangipane pur beurre la campagnère pour 6 personnes est à seulement 7,90€ et peut vous faire gagner 50 000€. Les 50 ans d'Intermarché, c'est toute l'année dans votre magasin. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 5 janvier, soit 19,75€ le kilo. Modalité complète et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Sur RTL. Bonne année à tous. Ça y est, nous sommes le 1er janvier. Et avec lui vient son lot de bonnes résolutions. On vous en propose une qui peut vous changer la vie, rien que ça. Apprendre à dire « j'en ai rien à... » Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on commence l'année en beauté cet après-midi, de 15h à 16h, dans On est fait pour s'entendre sur RTL. RTL, on a tellement de choses à se dire. RTL vous souhaite une bonne année 2019. On a tellement de choses à se dire. Laetitia Nallet, Christine Haas, votre astro 2019 sur RTL. 3210 pour nous joindre par téléphone, n'hésitez pas à appeler. Et Cathy est au bout du fil, bonjour Cathy. Oui, bonjour Laetitia et bonjour Christine. Bonjour Cathy, qui est donc Verseau ascendant Vierge. Bonne année. Merci. Alors Cathy, vous êtes célibataire depuis deux ans. Et j'imagine que ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, c'est une jolie rencontre. Eh bien voilà, tout est dit. Mais alors une rencontre sérieuse, hein. Ah oui, moi je veux poser mes valises là. Vous mais alors, vous êtes mis sur un site de speed dating. Oui. Est-ce que c'est vraiment l'idéal pour... Ah non, pas du tout. Non. Bah non. Qu'est-ce que c'est le speed dating? C'est qu'on se rencontre. Ah pardon, le speed. Oui, le speed dating. Oui, je. En fait, je me suis inscrite aussi sur des sites de rencontres par internet. Oui, normaux. Oui. Alors ça, c'est l'horreur. Oui, mais alors, vous dites ça, d'accord. Vous l'avez vécu comme ça, mais après, ça peut très bien se passer aussi, hein. Oui, c'est vrai, mais a priori, dans ma catégorie d'âge, en tout cas, je ne suis tombée que sur des rêveurs qui voulaient discuter, et au moment de se rencontrer, il n'y avait plus personne, il y avait des problèmes, il y avait des choses à régler, des divorces, etc. en cours. Bah, souvent, alors ça doit être des hommes mariés qui se distraient de cette Exactement. Manière-là. Hein. Oui, je pense. C'est ça. Alors le speed dating, le principe c'est qu'on se rencontre pour de vrai, c'est ça, et qu'on a deux minutes pour se parler. Mmh. Voilà. On a 7 minutes pour se parler en face à face. Et alors ça a donné quoi? Eh bien, ça donne pas grand chose. Bah oui, moi, je suis pas fan du tout. Parce que dans cette catégorie d'âge, les hommes s'intéressent, je pense, davantage à des femmes plus jeunes. Donc voilà. Je lance un appel à tous les célibataires de Lyon. Inscrivez-vous sur les sites de speed dating. Donc Cathy, vous êtes dans la région de Lyon, votre catégorie d'âge c'est quoi, la cinquantaine? 50, voilà. Et puis... 48-52, allez, on va être généreux. Et puis on va surtout regarder dans votre thème astral, donc s'il va y avoir une rencontre, et même un mariage. Oui. Ah bon. Alors, pour ce qui est du mariage, non, pas tout de suite. Oui, j'imagine. Et puis, bon, le mariage c'est un peu surfait, hein, à partir d'un certain âge. Il vaut mieux un compagnonnage, quelque chose qui vous permettra d'être en affinité. Vous êtes Verseau, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui va partager des affinités avec vous, des activités. En plus de ça, vous êtes ascendant vierge, donc tout ce qui est un peu intellectuel vous plaît. Absolument. Hein, tout ce qui est... Vous avez mis le doigt dessus, oui. Voilà, donc il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit dans le même registre que vous. Mmh. Alors, allez traîner dans les bibliothèques, les expos, ou dans les des clubs culturels, ou vous voyez... Je m'y emploie. Oui, je m'en doute. Alors, est-ce que 2019 est une année favorable? Pour l'instant, je ne vois que des petites, que des relations un peu de, pas de courte durée, mais plutôt où il n'y a pas vraiment d'engagement, dans la mesure où c'est quand même Jupiter hein, qui va gérer tout ça, et Jupiter se trouve dans un secteur où on peut, comment dire, démarrer des liaisons. Bon, alors une liaison peut aboutir hein, à quelque chose de plus sérieux. Donc ne cherchez surtout pas à montrer, et ne montrez pas que vous voulez quelque chose de sérieux. Démarrer par une amitié un petit peu rigolote, quelque chose où, parce que vous avez de l'humour, quelque chose où vous saurez faire rire. Vous savez, quand on fait rire un homme, hein, c'est comme de faire de la cuisine, hein, ça les garde bien au chaud. Et vice-versa. Bah, j'ai des amis qui sont mariés depuis, je sais pas, une cinquantaine d'années. Elle le fait rire, et bon, ça fait tout. Ouais. Hein. Donc, ma chère Cathy, vous avez tous les bons ingrédients. Sauf que vous êtes un petit peu trop en demande. Peut-être que vous attendez aussi l'homme idéal, le prince charmant. Je préfère un homme idéal. Non, mais bon, comme il n'existe pas, vous ne pouvez pas le rencontrer. En revanche, vous pouvez rencontrer vraiment, vous faire des amis et plus, si affinité. D'accord. Les affinités, c'est très important pour le Verseau, hein, vraiment. Donc, il faut vous baser là-dessus pour faire une rencontre, sur vos goûts, sur tout ce que vous... Non, puis en plus de ça, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, hein, avec Mars dans vos piles, sur votre ascendant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis formatrice. Ah bah, ça m'étonne pas, oui. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour prendre des équipes en main, prendre quelqu'un en main, le coacher. J'adore ça. Voilà. Mais alors attention. Il faut pas trop coacher, chérie. Ne faites pas ça à la maison. Oui, elle a raison, Laetitia. Elle a tout de suite compris qu'en fait, essayer de coacher, parce que l'ascendant vierge, il a tendance toujours à vouloir aider, à se dire qu'il va être utile à quelque chose, qui va soigner, qui va. Non, laisser ça un petit peu de côté et essayer de... Mais j'attends que ça, moi, passer le relais à la maison pour qu'on me coach, entre guillemets, qu'on me soutienne. Oui, ben oui, je comprends. Mais vous avez un beau thème, hein. Je me demande même si vous n'avez pas trop de facilité. Enfin bon, c'est un peu idiot de dire ça, mais parfois, ben on s'endort un peu, hein, quand on a beaucoup de facilité comme ça. Mais en ce qui concerne votre vie affective, c'est vrai que vous êtes dans une lutte, hein. Dans quelque chose où, pour vous, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui correspond vraiment à ce que vous voulez. Et le Verseau, en plus de ça, est extrêmement sélectif. Hein? Alors ça, je vous confirme. Ouais. Christine est Verseau. Hein? C'est quelque chose aussi, voilà. Alors, bon. Quel signe masculin peut-il vous coller à... Avec le Verseau. Alors, personnellement, j'ai testé le Bélier, c'est très bon. Je n'ai jamais rencontré de Bélier. Ouais, non, Bélier, mon très bien. Mon dernier ami était un Verseau aussi. Et alors, vous vous entendiez bien ? Il m'a juste quitté pour une femme. Ah oui, oui, c'est ça. Le Verseau est quand même très indépendant. Hein. Oui. J'ai testé le Taureau aussi, je ne vous le conseille pas. Il est trop possessif. Bon, alors, je fais des cases. Alors, en Bélier. J'ai testé les Poissons. Et alors ? Bon, c'était pas mal. Plutôt. Ouais, bon. Et vous avez fait les 12 signes ou... Bah non, j'ai pas fait. Alors, Scorpion, très bien, mais enfin bon, très difficile de s'entendre avec lui parce qu'il est compliqué. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était quand même très gentil et hypersensible. Ah oui, adorable. Mais le Verseau indépendant a du mal avec le Scorpion qui est très possessif. Hein. Bon, donc ça c'est. Alors la Balance, je vous le conseille. Ah, vraiment, Balance, Sagittaire, voilà deux signes avec lesquels le Verseau s'entend à merveille. Allez, voilà, vous avez une petite liste, Bélier, Poisson, Balance, ça devrait marcher. Voilà, Cathy, merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée, bonne année, au revoir. Très belle année 2019. Et évidemment, le signe du Verseau dans le détail pour vous qui nous écoutez, juste après Camilla Cabello sur RTL. Ah, j'adore. 3210 pour nous joindre. I can do it, but I can't without doing forever. entend Camila Cabello sur RTL. On voyage puisque c'est une jeune femme qui est cubano-américaine mexicaine et qui chantait Havana. Et elle est poisson. Si votre signe vous intéresse, eh bien, parlons-en. Laetitia Nallet, Christine Haas. Votre astro 2019 sur RTL. Avec Cathy, nous avons vu le signe du Verseau, mais d'une manière générale, pour tous les Verseaux qui nous écoutent, c'est une bonne ou une mauvaise année 2019? Oui, c'est une bonne année. Alors, on a eu assez d'années qui n'étaient pas bonnes. Ouais. Et donc là, maintenant, on rentre dans un cycle vertueux avec un très beau Jupiter qui occupe le secteur des projets. Donc, les Verseaux de ma connaissance, et je suppose que nos auditeurs aussi qui sont Verseaux, ils ont des projets, des choses qui vont les mettre en valeur, des idées, ils vont comment dire, pouvoir se mettre en avant, être valorisés par leurs idées, par leurs projets. J'en veux pour exemple notre ex-président Nicolas Sarkozy qui est Verseau. Et qui est en ce moment dont on parle en tout cas, hein, qui conseille Emmanuel Macron et qui donne une image de lui, une meilleure image de lui. Et c'est ce que va faire le Verseau cette année. C'est l'image qui va avoir un rôle important dans la mesure où elle va être valorisée. Alors, je ferai juste une petite exception pour les Verseaux du début du signe, nés entre le 20 et 24 janvier. Il y a cette dissonance d'Uranus. Même moi, je l'ai senti, puisque bon, il y a eu un gros changement dans ma vie, puisque je suis passée du 8e arrondissement à Neuilly. Vous n'êtes pas la seule, hein. Pas la seule. Mais Uranus se trouve pour le Verseau dans le quatrième secteur, qui est le secteur du passé. Et en fait, je suis une enfant de Neuilly, donc c'est un retour un peu aux sources. Et il pourrait y avoir un retour aux sources, un espèce de renouveau à partir de ce retour aux sources pour beaucoup de Verseaux. Les Verseaux connus, Nicolas Sarkozy, vous venez de le citer. Il y a Daniel Auteuil aussi, d'ailleurs, 24 janvier, voilà, 24 janvier exactement, qui est à l'affiche en ce moment de Rémi sans famille, d'après le livre d'Hector Malo. Et c'est un film. Qu'est-ce qui m'a fait pleurer celui-là? Ah ouais, c'est vrai. Hein. Oh. Et Daniel Auteuil, il joue le signor Vitalis avec le chien Capi et le singe Joli Cœur. Ouais. À voir sur les écrans. Il y a aussi Julien Courbet qui est Verseau. C'est notre Julien à nous. Ah bah oui, oui, belle image aussi. Il est sur RTL tous les matins. Il est sur Capital, sur M6. Mmh. Et Jacques Pradel. Oui, ben oui. 11 février, 11 Jacques février. Pradel, qui fait l'heure du crime à partir de 21h sur RTL. Et puis Claude François, qui était Verseau. Bon, bah, pas que lui, hein. Il y avait Michel Delpech aussi, qui était Verseau. Il y a Michel Sardou, qui est Verseau. À un moment, tous les chanteurs étaient Verseaux. Les Verseaux à réécouter tout à l'heure à partir de 14h en podcast sur RTL.fr. Bonne année 2019 à l'écoute d'RTL. Laetitia Nallet, Christine Haas. Votre astro 2019 sur RTL. Votre astro 2019 en direct jusqu'à 14h. Appelez le 3210 si vous voulez nous parler en direct. Et surtout, ce sera l'occasion de regarder dans votre thème astral comment se déroulera cette année 2019. Et d'ailleurs, au bout du fil, tout de suite, c'est Matt. Bonjour Matt. Bonjour Christine, bonjour Laetitia, bonjour à tous vos collaborateurs. Bonjour Matt, j'ai pas fini de monter votre thème, alors donc je ne peux pas... Alors monter le thème, ça veut dire donc avec votre date, heure et lieu de naissance, on met tout ça dans un logiciel, et voilà. Votre thème astral presque, va apparaître. On y est presque. Quel est votre signe astrologique, Matt? Je suis Capricorne, deuxième décan. Capricorne, deuxième décan. Matt, vous êtes à la recherche d'un travail depuis maintenant quelques mois. Alors c'est un travail dans quel secteur? Dans l'aide à la personne, auxiliaire ambulancier en fait. D'accord. Mm-hmm. Donc là, vous avez fait une formation l'année dernière pour être ambulancier. Voilà, c'est ça. J'étais à l'origine agent administratif et informatique et je trouvais que j'avais un peu fait le tour de la question et je voulais m'ouvrir un peu plus vers les autres. C'est marrant, on a l'impression que cette année 2019, il y a énormément de gens qui se prennent en main et qui veulent changer. Mais oui, hein, qui ont des projets, qui vont investir un petit peu, s'investir eux-mêmes dans quelque chose de personnel. Donc votre question, Matt, vous avez envie de savoir si en 2019, vous allez réussir à trouver du travail dans votre nouveau domaine, c'est-à-dire ambulancier. Voilà, c'est ça, me sortir un peu du marasme dans lequel je suis, parce que je vois un peu tout en noir, tant au niveau du travail qu'au niveau financier. Là ouais, bah bravo, écoutez, vous voyez tout en noir parce que vous êtes Capricorne et que Saturne est en Capricorne. Mais, il n'y a pas que Saturne, il y a aussi Pluton, et Pluton est excellente pour vous. Elle vous permet de repartir, elle vous permet, c'est vous, hein, chaque planète représente une partie de vous-même, et Pluton représente cette partie de vous qui a envie de repartir de zéro, qui a fait cette formation et qui se donne une chance de mener la vie qu'il a envie de mener. Alors, les problèmes liés à Saturne, bon, on les affronte tous, hein, y a une espèce de justice dans l'astrologie. Il faut simplement, comment dire, un petit peu courber le dos et attendre que ça passe. D'accord. Excusez-moi. Elle a pas fait la fête, non. Elle est malade. Hein. On précise. Donc, vous êtes parfaitement en harmonie avec votre thème. Je précise que vous êtes donc Capricorne ascendant Sagittaire et que vous avez toute l'année jusqu'en décembre Jupiter dans votre ascendant. Donc, vous allez forcément, progresser, vous intégrer dans quelque chose de nouveau et grandir d'une certaine manière en importance. Hein, vous allez trouver du travail, ça ne fait pas de doute. Hein, je pense même que ça ne va pas tarder. Mm-hmm. Au moins une bonne nouvelle. Bah oui, mais c'est une très bonne nouvelle. Vous avez beaucoup de possibilités cette année. Alors, est-ce que vous allez... vous allez peut-être passer par 2-3 petits jobs au départ qui ne vous plairont pas trop pour finir par trouver le bon. Voilà. D'accord. Moi, c'était surtout mon objectif, c'était de m'ouvrir un peu aux autres et de faire un peu le dos rond. Bah, forcément, avec le métier que vous avez choisi, vous allez être obligé de vous ouvrir aux autres. Vous allez soigner, vous allez les chouchouter, les conduire là où ils vont se faire soigner. Enfin bon, il y a une dimension humaine très importante. Hein, et d'ailleurs, elle est chez vous, cette dimension humaine. Vous avez deux planètes en Verseau. Et effectivement, elles ne reçoivent pas d'aspect, ce qui veut dire qu'elles ne fonctionnent pas toujours. Là, elles reçoivent un aspect de Jupiter, donc ça explique votre besoin important de vous connecter aux autres. D'accord. Voilà, Matt. Ça va se faire, vous inquiétez pas, Matt, faites-vous confiance. Tant mieux, au moins des bonnes nouvelles en ce début d'année. Mais exactement, et puis attendez, c'est pas des bonnes nouvelles qui tombent du ciel comme ça, hein. C'est vous qui avez mis plein de choses en elle place. Elle tombe du ciel. Elle tombe du ciel, d'accord. Oui, mais il a quand même semé avant, voilà, il a mis des choses en place. C'est toujours comme ça, et puis voilà. Le ciel, finalement, le zodiaque, ça nous représente, on a tous les signes et toutes les planètes en nous, ce sont des parties de nous qui sont représentées hein, par les signes et par les planètes, et c'est pour ça qu'on peut... trouver un sens. Vous êtes un beau message d'espoir, Matt, en tout cas, parce que... Bah, comme tous nos auditeurs précédents. Exactement, hein. C'est-à-dire que chacun, à votre façon, vous avez fait bouger les choses dans votre vie pour que ça aille mieux. Voilà, vous êtes créé de l'espoir. Voilà. C'est ça qui est très important. Merci, Matt, pour votre appel. C'est très bien, je repars tout de suite bien boosté pour la nouvelle année. Belle année 2019. Merci bonne année, à vous Matt. Aussi, et bonne fête à tous. Au revoir. Calogero sur RTL. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1987. Je vais faire un tour en 1987. c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess, on chantait I want your sex. Au rayon